piano valse, les larmes en sinois, plus j'y nage, mieux je rame. Un canon pour cellule, un ciel noir, plus j'ai mal, mieux je rappe. J'encaisse orage et tempête qui tend, ça joucement je découpe. Entre deux cauchemars, on se détend, l'instru lancé doucement, je découpe. J'arrive trop nerveux sans THC, je veux du rap et je vape moi le terre. Je vais aller retourner, je vais le demander, monter le terrain, toi et toi le terre. Je gratte des verres, l'hiver dans le gouffre, mes nerfs, ma folie meurt dans le coup. Player tourne full pull, l'herbe, c'est l'herbe qui fout la merde dans le couple. Qui veut rendez sous le pull, les ronds sacs qui s'y frottent, viens fou. Frère quand Louis qui vole son père, le fils qui perd sans froid, viens fou, tu doué. Un piano, le poids des notes mal et je laisse, kiff. J'sais plus si je dévie, j'ai vu ce qu'ils veulent et je m'esquive. Je reste maître de mon réveil, tu peux me trouver rayon rat. Je prévois revers et malheur, je colle mes rêves et l'oreille au rail. Sans mes raisons, les mots, puzzle d'émotion, les mots saignent. Un dernier tour, un soir de mort, l'histoire démarre, tous les mots cessent, Philly. Marche pas mes mots, pense à mes morts, découpe ma rage des gueules. J'en suis un mélange bizarre, crame la patate, carrage des gueules. Et tant qu'on se barre de là, tout ce coincé dans l'engrenage là. Besoin de prendre le large, mal gratté mes barres de rage. Seul ici c'est Napoli, une jeunesse mal polie qui s'atomise. Nique la police qui s'atrophie et se ramollit, vite fait ce qui est de l'atomie. Tu pars de l'enfer, moi je vise le paradis, je veux parader une vie de rêve. Ici c'est ce que m'escarre la vie, c'est pas Hélène hein. On s'est fait seul sans se faire parrainer, je parais net. Après deux gars et six baisse la prod par amour. Les paramètres on les connaît, sans bas les couilles de tes concerts. S'il y a rien de fou dans tes conseils, c'est que nos principes sont pas les mêmes. Bref, encore un plan qui tombe à l'eau comme dimanche sous la verte. Mais tape dans 5, c'est dans ton poste, ma chronique fout la merde frère. J'écris ce texte, un jour de pluie à deux verres de la noyade. Wesh, à court de bif, j'encours le pire, c'est peut-être mon dernier voyage. Écoute, dis pas d'être plus, toujours pas de bonne humeur, gros. Je la ferai, faut le faire, j'ai rien besoin de plus, faut juste qu'on me donne une heure. J'suis dans la merde comme Salomon, j'ai des envies de noyade. Le compte est vide, ça se pige, depuis t'es vite, là, yeah. J'ai rien vu venir, j'ai grandi vite, sans voir tomber la neige, hein. En pleine tempête, cramer la mèche, t'es sûr, retourner la mer, hein. Mon cœur est vide, à part ce qu'ici, c'est quand t'as raconté, mais comme si j'avais plus rien à vivre, mais tout à raconter. J't'arrête, c'est dans la peine que la rime s'accorde beaucoup. Pas des cordes de rêve, une bouffée d'air avec la corde au cou, hein. Voyage dans le tom-tom, mon gros noyard, pas de tem-tem. J'suis tellement seul, j'ai le somsum, j'ai plus que ma hache sur le tam-tam. Et wesh, j'écoute personne depuis les bancs de l'école. J'suis terre à terre, j'ai fait sans aile, le cœur qui bat l'épaule. Comme si je le savais, à quoi j'suis destiné. J'ai plus que mes rêves, dans le bruit de la nuit, les ombres sont dessinées. Assis-toi à ma table, faut que je paye ma taille. Au fond de moi, le bien et le mal sont en tête à tête. On a changé, aujourd'hui on prend de l'âge. Difficile de prendre le large quand t'es pris dans l'engrenage. Je reviens trop mat le beat, on s'attend pas au pire. Mais l'avenir passe la vie, douane, ça donne trop mal au bide. Le blast c'est la chronique, mais ça tu le sais déjà. Présent pour mes crânes chromis, pas pour faire danser les gens. Mais ça balance la brode, on casse le truc. J'ai failli boire vos belles paroles, mais y'a quelques traces de flûte. Faut passer la deuce, peut-être temps de lâcher la bouse. Ouvre grand les yeux, car ton pote la mettra douce. Depuis tout ce temps, pourtant, je suis plus comblé des hommes. Il reste juste à faire en sorte d'arrêter de compter les sommes. De claquer mon flouze à la FDJ. On devient ouf à l'appel des chiffres, à gratter des rimes ou à se taper des films.